بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 86 بعد 100. 86 question. يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: نصيحة هذه العبارة، اجعل بينك وبين الله صلة، واجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة. Donc il est interrogé à propos de l'expression qui dit, quelqu'un dit à quelqu'un, mets entre toi et Allah une relation ou un lien. Et mets entre toi et le messager sallallahu alayhi wa sallam une relation ou un lien. Si là, on pourrait traduire relation, lien, ça peut être aussi le sens comme ça, une chose qui, un lien. Naam. Fa'ajaba rahmallahu ta'ala. Allazi yakulu ja'al bainaka wa bain Allah sila, ay bil ta'abbud lah, aw ja'al bainaka wa bain ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sila ay bittiba'ihi fa'aza haq. Celui qui dit cela, de mettre entre toi et Allah un lien, et par l'adoration, cela est correct. Et celui qui dit, mets un lien entre toi et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par son suivi, suivi de la sunna, cela est réel, cela est légitime. Amma idha arada bi qawlihi ij'al bainak wa bain ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sila, ay ij'alhu wa al-ma هو ملجأك عند الشدائد ومستعاثك عند الكربات فإن هذا محرم بل هو الشرك أكبر مخرج من عن الملة. Quant au fait de dire de mettre une relation entre toi et son messager dans le sens que tu en fais ton abri, ton refuge, celui vers qui tu reviens, tu en cherches secours lors des difficultés et lors des afflictions, alors cela est interdit, et voire même cela est du shirk akbar qui exclut de la communauté. Car là, tu seras venu, tu lui accordes des choses qui ne reviennent que à Allah Azzawajal. Tu lui as demandé une chose qu'il n'est pas capable de faire. Ni ne t'entend, ni ne peut te secourir ou répondre à tes demandes. Ça, ça revient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faut voir le sens que la personne veut par sila. Non. ثم يقول في السؤال الثامن وثمانين بعد المئة 188e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم قول أخي لغير المسلم وكذلك صديق ورفيق وحكم الدحك إلى الكفار لطلب المودة. Donc il est interrogé quant au fait de dire mon frère à un kafir, ou alors de le dire ami ou compagnon, ou le fait de rigoler avec eux pour gagner de leur affection. فأجاب رحمه الله تعالى أما يقول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام ولا يجوز إلى أن يكون أخا له من النصب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت الأخوة النسب والرضاع لم يبقى إلى الأخوة الدين أو إلى أخوة الدين، والكافر ليس أخا للمؤمن في دينه. Donc il a dit oh mon frère un kafir, cela n'est pas permis sauf si c'est vraiment son frère de sang ou son frère de lait. En dehors de cela, il ne reste que la fraternité religieuse, et celle-ci est exclue. Il n'y a pas de fraternité entre les koufars et les mu'minines. Donc, il n'est pas son frère. Donc, ni pour le chrétien, ni le juif, ni personne, tu ne dis pas mon frère, ce ne sont pas tes frères. Comme encore le ta'ala, innama al-mu'minuna ikhwa, seuls les croyants sont frères. Wa tadhakkar qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, afwan, qawl nabiyullah Nuh alayhi salatu wa sallam, يقول الله عز وجل ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Donc on se rappelle la parole de Nuh dans le sens où Allah dit à ce sujet: Ô mon Seigneur, certes mon fils fait partie de ma famille et ta promesse est véridique et tu es le plus sage des sages. Et il a dit: Ô Nuh, il n'est pas de ta famille. Dans Sourate Hud, versets 45 et 46. Donc là, regardez bien, Nuh a imploré son Seigneur car son fils qui est mort kafir, et Allah lui a promis que sa famille serait sauvée. Donc il lui a dit, mon fils est de ma famille. Et là, Allah Azzawajal lui a dit que ce n'est pas ton fils. Là, c'est par rapport à quoi? Du moins, il n'est pas de ta famille. Il voulait dire par quoi? La famille religieuse. Naam. Amma qul sadiq wa rafiq wa nahwihima. In kanat kalimatan abiratan yuqsadu biha. Nida man juhila ismuhu minuhum fala baisa bih. Quant au fait de dire, l'ami, ou l'ami, ou le compagnon, dans le fait que tu appelles l'un d'entre eux parce que tu ignores son prénom, il a dit, il n'aura pas de mal. Par exemple, tu vois quelqu'un au loin, un kafir, tu veux lui demander quelque chose, tu dis, oh l'ami, par exemple, il n'y a pas de mal. Mais ce qu'on-là, personnellement, je ne trouve pas convaincant, car même nous, entre musulmans, Si on voit un musulman, on ne connaît pas son prénom, on l'appelle Abdullah. On l'appelle Abdullah. Et le kafir, à la wajil umum, ou à Abdunillah kathalik. Le kafir également, c'est un, qu'il le veuille ou non, il est un Abd d'Allah. Donc, quand on ignore le nom de quelqu'un, on l'appelle Abdullah. Quand elle appelle l'ami, donc c'est un kafir, هذا فيه نظر. Allah ta'ala alam. وَلْكُسِدَ بِهَا مَعْنَهَا تَوَدُّدْ وَتَكَرُّبًا مُوَدَّدًا وَتَكَرُّبًا مِنُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Quand on fait de cette façon-là, par affection pour lui ou pour s'approcher de lui, l'appeler l'ami ou le compagnon ou autre, alors Allah, dans le sens où il dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre en ami, en affection ou autre, quelqu'un qui sera opposé à Allah et à son messager, même s'il serait leur père ou leur fils ou leur frère ou leur tribu. Surat al-Mujadala, l'entretien, verset 22. فَكُلُّ كَلِمَاتٍ تَلَطُّفٍ الَّتِي تُقْصَدُ بِهَا الْمَوَدَّةِ لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُخَاطَبَ بِهَا أَحَدًا مِنْ الْكُفَّارِ. Donc toute personne qui veut parler à la douceur, de l'affection, envers, rechercher l'affection envers le kafir, il n'est pas permis aux croyants de l'employer avec les kuffars. Qala biya ahadan min al-kuffar. Avec aucun des kuffars. Et ça aussi, pareil, je pense que ce kalam-là, il est discutable car on peut avoir nos parents qui sont kuffars, il faut bien leur parler. On ne dit pas que, mathalan, on les aime d'un amour qui ne soit pas légiféré, mais l'amour naturel, c'est une chose qui existe. Ou kazalik, un homme peut être marié avec une kitabiya, un musulman. Donc il veut de l'amour entre lui et sa femme, un amour naturel, et il appelle d'une chose qui met de l'affection. Par exemple. Ça, c'est autre chose. Ce sont des cas particuliers. Non. Allah dit, khazna liyum min hadani su'alayn, walhamdulillahi rabbil alamin.